Comment dit-on venir? Kommen. Kommen, bien. À partir de kommen, venir, on peut former beaucoup d'autres verbes, en ajoutant devant kommen de petits mots, comme par exemple mit. On forme ainsi le verbe mitkommen, mot à mot avec venir, mitkommen, qui veut dire accompagner. À l'oral, on insiste bien sur la première syllabe, mitkommen, mitkommen. Comment dit-on accompagner? Mitkommen. Mitkommen, oui, venir avec, c'est-à-dire accompagner. De la même manière, arriver se dit ankommen. Cette fois, on accole an devant kommen en insistant sur le an. Ankommen. Donc, ankommen, c'est arriver. Ankommen. À vous de le dire. Ankommen. Ankommen. Encore une fois, arriver se dit ankommen. Bien. À vous de le dire. Arriver, c'est ankommen. Ankommen. Et maintenant, comment diriez-vous à quelle heure arriverez-vous demain? Demain se dit morgen. Morgen, en fait, ça veut dire à la fois matin et demain. Donc, demain, morgen. Alors, à quelle heure arriverez-vous demain? À quelle heure, c'est um wie viel Uhr? Um wie viel Uhr? Um wie viel Uhr? D'accord. Arriverez-vous demain? Werden Sie morgen ankommen? Bien. Um wie viel Uhr werden Sie morgen ankommen? Mm-hmm. À quelle heure pouvez-vous être ici demain? Um wie viel Uhr können Sie demain ici? Morgen hier être sein. Sein. Oui, c'est ça. Sein. Um wie viel Uhr können Sie morgen hier sein? Comment dit-on rester? Bleiben. Bleiben. Oui. Et combien de temps, c'est-à-dire comment longtemps ou comment long se dit? Wie. Wie lange. Wie lange. Donc, combien de temps pouvez-vous rester ici aujourd'hui? Wie lange? Wie lange? Wie lange? Pouvez-vous rester ici? Können Sie hier bleiben? Wie lange können Sie hier bleiben? Et combien de temps pouvez-vous rester ici aujourd'hui? Wie. Wie lange? Können Sie heute hier bleiben? Bien. Wie lange können Sie heute hier bleiben? Combien de temps resterez-vous ici? Wie lange resterez-vous ici? Werden Sie hier bleiben? Wie lange werden Sie hier bleiben? C'est bien ça. Encore une fois? Wie lange werden Sie hier bleiben? Wie lange werden Sie hier bleiben? Et comment diriez-vous, le ferez-vous pour moi? Werden Sie es für mich tun? Werden Sie es für mich tun? Et maintenant, quand le ferez-vous pour moi? Wann werden Sie bien. Es für mich tun? C'est ça. Wann werden Sie es für mich tun? Et maintenant, comment direz-vous, resterez-vous ici avec moi? Werden Sie hier? Werden Sie hier? Oui, donc, resterez-vous ici avec moi? Mit mir bleiben? Très bien. Werden Sie hier mit mir bleiben? Et comment diriez-vous, combien de temps resterez-vous ici? Wie lange? Lange. Wie lange. Encore une fois? Lange. Wie lange resterez-vous ici? Werden Sie hier bleiben? Bien. Wie lange werden Sie hier bleiben?